Et pour terminer, cet aperçu des illuminations et de l'ensemble de l'œuvre poétique d'Arthur Rimbaud, voici Démocratie. Le drapeau va au paysage immonde et notre patois étouffe le tambour. Au centre, nous alimenterons la plus cynique prostitution. Nous massacrerons les révoltes logiques. Aux pays poivrés et détrempés, au service des plus monstrueuses exploitations industrielles ou militaires. Au revoir, ici, n'importe où. Conscrits du bon vouloir, nous aurons la philosophie féroce. Ignorants pour la science, roués pour le confort, la crevaison pour le monde qui va. C'est la vraie marche. En avant, route !